Metternich apparaît, s'entretenant avec le directeur de la police. « Oui, j'ai brisé l'orgueil de cet enfant rebelle !» Mais il pousse un cri en apercevant, debout devant lui, le prince qu'il a laissé la nuit dernière, gisant au pied d'un miroir. « Hein ? Vous ici ?» Et comme le prince a laissé glisser son manteau, Metternich ajoute, choqué de le voir en colonel autrichien, dans cette fête masquée, dans cet uniforme, comment ? Ne doit-on pas venir sous un déguisement ? Sedlinski, bah Metternich, cet orgueil, qui hier soir brisa votre excellence, garde même en morceaux toute son insolence. À quoi donc on vient rêver ici, fuyant le bal, le petit colonel ? Au petit caporal. Et Metternich s'en va avec les directeurs de la police. Le duc se retrouve alors avec Fanny, qui assistait à l'altercation avec Metternich. Elle explique au duc le plan du complot pour qu'il puisse s'enfuir. La cousine du duc, la comtesse Camarata, étant revêtue du costume habituel du duc, un uniforme tout blanc, elle va détourner l'attention des surveillants sur elle avec l'aide des conspiratrices rencontrées au début de l'acte. De ce fait, le duc pourra quitter le parc et trouver, à la sortie, un fiacre qui l'amènera à Wagram, non loin de Vienne. Le plan expliqué, le duc retrouve Flambeau au rendez-vous donné peu avant. Il lui explique le plan de fuite exposé par Fanny. Tandis que se déroule une représentation théâtrale non loin du bal, un laquais vient rappeler au duc le rendez-vous qu'il a donné à Thérèse à son pavillon de chasse. Donc, la comtesse, faux duc, doit se rendre à ce rendez-vous et le duc l'avertit donc qu'elle risque d'y trouver une femme à sa place à lui, ce qui certes comblerait le duc, amoureux de Thérèse. Mais la comtesse estime que ce n'est pas le moment de penser à l'amour d'une femme. Et le duc et la comtesse s'échangent leurs manteaux. Mais la comtesse, en faux duc, laisse bien apparaître ses cheveux teints en blond et son uniforme blanc. Au cours du dîner qui suit, on fait un long éloge de Metternich qui offre cette soirée. Le faux duc s'esquive et s'approche de la sortie du parc, mais il, enfin elle, est interpellé par l'archiduchesse qui ne fait pas partie du complot. Mais, bien qu'il ait reconnu la comtesse en faux duc, elle la salue comme si de rien n'était, alors que le duc, qui suivait la scène, croyait déjà que tout était perdu. Maintenant que le duc, à ce qu'il paraît, est parti du bal, l'éloge de Metternich reprend de plus belle, car il est le destructeur de Bonaparte. Affirmation qui déclenche de nombreuses railleries à l'égard de Napoléon. Railleries que le vrai duc et Flambeau ont du mal à supporter. Mais l'attaché français les sauve en intervenant lui-même, car à ses yeux, c'est l'honneur de la France qui est en jeu. Le frère de Thérèse, poursuivant ses moqueries sur Napoléon, est provoqué en duel par l'attaché français pour le lendemain matin. Mais apprenant que sa sœur Thérèse a un rendez-vous galant avec le fils de ce Bonaparte qui l'insulte, il part tuer le duc à ce rendez-vous. Le duc se fait alors reconnaître. Nous sommes dans un bal masqué. Par Marmont, il se donne rendez-vous à Paris.